En signe de félicitations à la réussite de la Corée du Tché au tir d'essai de la fusée balistique stratégique de moyenne et longue portée sol-sol du type Pukursong 2, le groupe de solidarité russe avec la République populaire démocratique de Corée a publié une déclaration, alors que l'association d'études de la politique de Sungun, le cercle d'études des Zhuché et l'association d'amitié avec la Corée et le comité préparatoire pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Paektusan 2017 de Grande-Bretagne, le comité préparatoire suisse pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Paektusan 2017, le comité suisse-corée et le cercle suisse d'études des Zhuché ont publié respectivement une déclaration commune.